Vous avez pas vu ma sœur? Je suis ennuyé. Je viens d'arriver à Londres. Et puis alors, je m'étais donné rendez-vous avec ma sœur devant la consigne. D'habitude, c'est là qu'on retrouve toutes ses affaires. Moi, j'ai perdu ma sœur. C'est quelqu'un. Yo-yo! C'est curieux, ce pays, alors. Ça change avec la France, Londres. Et puis alors, je meurs de faim à partir du marché. C'est quelque chose, ça. Moi qui sais deux mots d'anglais, pas plus. Tu sais que je pourrais aller casser la croûte. Tiens, là, un agent de police. Bonjour, monsieur. Oh. Bonjour, madame. Good afternoon. Oui, pareil, marrant à vous. C'est curieux, il y a des agents de police en femme à Londres. Si vous pouviez m'indiquer, s'il vous plaît, un endroit où je puisse aller me restaurer. Parce que j'ai faim, alors je voudrais manger. Well, sir, I would like very much to help you, but it's very difficult because I don't speak French. So, do you speak English? La question n'est pas là. J'étais avec ma sœur, là. Alors j'ai perdu, parce que je viens de shooter un pont jusqu'à Londres, ça j'ai pas encore mangé, alors je cherche un petit restaurant, un petit pour casser une petite croûte, quoi. C'est un petit machin simple, vous savez, là où il y a écrit on peut apporter sans manger, quelque chose de bénin. Well, sir, I would like very much to help you, but it's very difficult for me because I don't understand what you mean. What can I do for you? Je suis entièrement de votre avis. J'aurais voulu manger, voyez-vous. C'est pourtant clair. I don't... Manger. I'm sorry, I don't understand manger. Oui, manger. Je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons. Enfin, je mange pas. Je serais désireux de me restaurer. No compris. Disais aussi. Voilà. Voilà. On va pas se disputer tous les deux, hein. Allez, je m'excuse. Au revoir, madame. C'est curieux, les agents. Ah, je pense. Excusez, venez. J'ai mon dictionnaire. Non, mais on est sauvés. Pardon. Excusez-moi, je vais mettre sous le lampadaire. Je suis sauvé. Mais d'un côté, c'est écrit en français et il y a la réponse en étranger. On est sauvés. Chef fleuriste, c'est pas ça. Pourtant, je l'ai vu dans le train. Je l'avais repassé. Voilà. Ah, voilà, au restaurant. Ouais, s'il vous plaît. Où pourrais-je manger des courges? S'il y a des courges, j'en mange un. Mais enfin, je suis pas venu exprès pour manger. Non. C'est là, vous voyez, c'est ce mot-ci. Manger. Manger. Oh, you mean you want to eat? Je veux manger. Miam, miam, casser la croûte. You want to eat? Me remplir le cimetière à poulet. Partir à la polka des mandibules. Je sais pas quoi. You compris. Oh. To eat. Quoi, to eat? You want to eat? Manger, to eat? Yes. Ah ben, je vais aller tweeter, alors. Moi, je m'en fous, moi, quand on appelle comme on voudra. Oui, mais où? No compris. Où? Elle comprend pas où. C'est pourtant, c'est pourtant. Il y a le dictionnaire à la fin du livre. Ouais, ça. Où? Oh, you mean where you can eat? Peut-être, c'est ça? No. Elle a rien compris. Hein. Si! Non. Pourquoi? No compris. Pourquoi? Elle comprend pas pourquoi. Si tu le fais exprès, alors ça va être ta fête, toi. Parce que pour qui? Pourquoi? Oh! Pourquoi? Sunday it's closed. Alors là, c'est moi qui comprends rien. C'est-à-dire que je suis venu ici pour mon plaisir, je te jure. J'avais dit à Landon, on passera un bon week-end. Dimanche. Oui. Closed. Closed, fermé. Ah, le dimanche, c'est fermé. Je savais pas. On mange pas à Londres le dimanche. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? C'est curieux, tiens, je ne savais pas. Mais je vais aller boire. Boire. No compris, boire. Elle comprend. Dans les rôles d'idiote, toi, tu serais vedette, hein? Boire. Ah, you mean you want to drink? Yes. No. Non. Pourquoi? Sunday is closed. Sunday is closed. Fermé. C'est fermé le dimanche. Yes. On mange pas et on boit pas à Londres le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a, le ramadan? C'est un vrai deuil national, votre dimanche. Ça m'étonne pas que depuis quelque temps, la reine Elisabeth, elle aille passer le week-end à l'étranger. Écoutez, alors je vais aller m'allonger sur un banc. Je fumerai une cigarette et j'attendrai Morgan Fru que tout redevienne normal. Cigarette. Cigarette? Non. Ça m'a étonné qu'elle dise oui. Non, cigarette, non, manger. Sunday et pourquoi? Et Sunday est closed. S'il vous plaît, j'aime bien passer pour une andouille. I am French. I am Clermont-Ferrante. Yes. Vous êtes jolie. No compris, jolie. Quand la page est Du bist schön. Ein Moment, bitte. Écoute. Joli. Voilà, joli. Joli. Pretty. Oh, I am pretty. Yes. Oh, thank you. Very much. You promenade avec moi? Il paraît que c'est un mot international qu'on comprend partout dans le monde entier, le mot promenade. Promenade? Promenade, tous les deux, au bord de la Tamise. Ah! Oh, shocking. Ah, tu te déchoqueras après, hein, parfait. Yes. Yes? Yes? You meet me avec moi with me promenade? Yes. Yes. Yes. No. Wow. Pourquoi? Sunday closed.